Père Noël des amateurs de science-fiction est passé avec les bras chargés de cadeaux en fin d'année dernière. Et parmi ces cadeaux, non pas une, mais deux adaptations du chef-d'œuvre d'H.G. Wells, La Guerre des Mondes. Une britannique produite par la BBC qui situe l'action à l'époque du roman d'origine, une autre plus libre produite par la Fox et Canal+, qui la situe dans l'Europe contemporaine. Et c'est peut-être à ça que l'on reconnaît un chef-d'œuvre. Chaque époque y projette ses propres problématiques et ses propres angoisses. Naguère, la montée du fascisme, la guerre froide, puis le terrorisme et aujourd'hui, l'apocalypse climatique et la crise des réfugiés. La guerre des mondes, Mars et ça repart, c'est le programme destructeur qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour remonter à la racine et évoquer bien sûr le chef-d'œuvre original d'H.G. Wells, sa postérité ainsi que donc ses multiples et récentes adaptations, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Lagrange. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue des sciences, chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités et Jean-François Merle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur chez Omnibus qui a publié à peu près tous les grands classiques de Wells et plus récemment une édition illustrée de La Guerre des Mondes avec des dessins d'Alvin Correa. Mais avant bien de se faire envahir par des martiens belliqueux, laissons-nous envahir par l'actualité scientifique et science-fictionnelle de la semaine avec la non moins belliqueuse Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. C'est le journal des sciences. Et on commence avec le premier sujet de ce journal. D'étranges objets que l'on n'explique pas encore ont été détectés autour du trou noir central de notre galaxie. Il se passe quelque chose de très étrange au centre de la Voie lactée. Les chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles ont détecté 6 objets qui orbitent autour de Sagittarius A étoile. Ils sont si particuliers qu'on leur a assigné une nouvelle classe, des objets G. Le premier objet G a été découvert en 2005, le deuxième en 2012, et 4 autres viennent d'être annoncés dans une étude parue dans la revue Nature. Alors ce qu'on voit en émission thermique infrarouge, c'est que ces objets contiennent de la poussière, on voit aussi du gaz ionisé. De fait, ça ressemble à des nuages de gaz géants, mais cela se comporte comme des étoiles. Et c'est aussi compact qu'une étoile. Pour le moment, on ne peut pas complètement conclure sur leur nature, mais voici la principale hypothèse. Thibaut Pomard est astronome à l'Observatoire de Paris. Mais l'hypothèse qui est très intéressante et que Anatolo favorise, c'est qu'en fait, il s'agisse d'étoiles binaires qui se seraient effondrées l'une sur l'autre. Ce à quoi on s'attend, et en particulier dans le centre galactique, c'est à cause de l'interaction entre cette binaire et le trou noir, en fait, l'étoile binaire peut avoir tendance à se rapprocher, les deux composantes vont se rapprocher l'une de l'autre, éventuellement jusqu'à s'effondrer l'une sur l'autre. Et en faisant ça, on peut s'attendre à ce qu'une partie de la matière de ces étoiles soit éjectée et forme un cocon, et finalement cacherait les étoiles à l'intérieur. Ce que Anna propose, c'est que ces étoiles, ce sont des étoiles qui en réalité sont vieilles, ce sont des étoiles de faible masse qui peuvent vivre pendant des milliards d'années comme le Soleil. Elles ont eu tout le temps pour se rapprocher du trou noir central, mais les deux composantes peuvent s'être ensuite effondrées l'une sur l'autre parce que c'était des étoiles binaires. Et du coup, l'étoile a l'air plus jeune, pour deux raisons possibles. Dans le cas des objets G, c'est parce que tout simplement, eh bien, ça fait ce cocon de poussière qui fait penser à une étoile qui est encore en formation. Et il y a aussi la possibilité que, une fois que ce cocon de poussière aura disparu, l'étoile pourrait avoir l'air plus chaude que ce qu'elle est réellement. C'est une très bonne proposition pour expliquer ce qu'on observe. Ça apporte effectivement quelque chose parce que ça va aider fortement à contraindre les modèles de formation d'étoiles et les interactions entre le trou noir, le gaz qu'il y a autour, comment le trou noir grandit, comment se forment les étoiles autour du trou noir, etc., etc. Voilà, on vous met, hein, comme tous les jours, le lien dans un premier temps sur notre fil Twitter @laméthodefc, puis vous pourrez retrouver tous ces liens ensuite via la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. En bref, Natacha, l'homme de Néandertal aurait su nager. Et c'est ce que révèle une étude parue dans PLOS ONE. Une équipe internationale a analysé des outils vieux de 90 000 ans, issus d'une grotte italienne qui était fréquentée par les hommes de Néandertal. Ils ont découvert que ces outils étaient composés de coquillages. Certains ont pu être ramassés sur la plage, d'autres ne peuvent peuvent provenir que des fonds marins. Les Néandertaliens plongeaient en apnée en Méditerranée pour pêcher des crustacés et transformaient ensuite les coquilles de palourdes en outils tranchants. En bref, toujours dans une étude parue dans la revue Matter, une équipe américaine est parvenue à créer du ciment vivant. Il s'agit de briques fabriquées à partir de bactéries. Les chimistes de l'université du Colorado ont mélangé des bactéries avec de la gélatine, du sable et des nutriments. Le tout est versé dans un moule, puis chauffé et exposé à la lumière du soleil. Les bactéries produisent ainsi des cristaux de carbonate de calcium autour des particules de sable. C'est assez proche du processus de formation des coquillages dans les océans. Et lorsque cela refroidit, la gélatine solidifie l'ensemble. Alors, autre aspect de cette invention, ces briques sont aussi capables de se multiplier. Si les bactéries ne sont pas complètement déshydratées, elles continuent de croître. Avec une brique, on peut ainsi en obtenir 8. Ce n'est pas encore aussi solide que du ciment traditionnel, mais selon les chercheurs, c'est beaucoup moins polluant. Cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question des séquelles psychologiques, des tensions sociales, de nouveaux modèles cosmologiques pour l'énergie noire, du fait que les cerveaux des adultes et des nourrissons se synchronisent lorsqu'ils interagissent, et bien nous avons parlé d'étranges particules détectées en Antarctique, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, en ultra bref. Demain samedi, SpaceX va tester sa capsule spatiale Crew Dragon. Crew Dragon a pour mission de rejoindre la Station Spatiale Internationale. C'est la dernière étape avant de pouvoir commencer les tests de vol habité. Il devrait avoir lieu cet été si le lancement de demain se passe bien. Selon une étude parue dans Scientific Reports, il y a toujours une activité volcanique sur Vénus. Grâce aux données de la mission Venus Express de l'ESA, on peut affirmer que les coulées de lave observées sont bien récentes. Avec la Terre, Vénus est la deuxième planète du système solaire au volcanisme actif. Et enfin, les macareux aussi peuvent utiliser des outils. Des scientifiques ont observé ces oiseaux en train d'utiliser des petits bâtons pour se gratter. Ils rejoignent les espèces capables d'utiliser des outils, les chimpanzés, les cochons, les corbeaux, les crabes boxeurs, les poulpes et les castors. Et on passe au journal de la science-fiction, comme un vendredi sur deux, avec ce sujet, Natacha, aujourd'hui. Pour trouver des traces de vie dans l'univers, des chercheurs américains proposent une nouvelle approche. On connaît le principe de la zone boucle d'or, celle de la zone habitable, et des planètes boucle d'or. Pour que l'eau à l'état liquide puisse apparaître sur une planète, il faut qu'elle soit à une distance optimale de son étoile. Ni trop proche, sinon l'eau s'évapore, ni trop loin, sinon l'eau gèle. Lors de la dernière réunion de l'American Astronomical Society à Hawaï, une équipe américaine propose d'étendre ce concept aux étoiles. L'idée est de concentrer les recherches sur des étoiles boucles d'or, ni trop chaudes, ni trop froides. Selon eux, les étoiles naines de type K sont de bonnes candidates. Elles sont un peu plus froides que le Soleil et un peu plus chaudes qu'une naine rouge. Sylvie Cabri est astronome à l'Observatoire de Paris. Pour elle, l'idée n'est pas mauvaise, mais très discutable. Donc si l'étoile est trop active magnétiquement, ce qui est le cas des étoiles froides, le vent de l'étoile et son activité magnétique et ses éruptions vont affecter l'apparition de la vie sur la planète, par exemple en soufflant l'atmosphère. Donc les étoiles trop froides vont avoir un effet trop destructeur sur les atmosphères planétaires. Les étoiles comme le Soleil sont très bien, mais elles sont pas très fréquentes. En fait, plus une étoile est massive et chaude, et moins il y en a. C'est une statistique qu'on observe partout dans la galaxie. Et donc ils proposent qu'il y aurait une masse d'étoiles qui serait juste dans la bonne, le bon équilibre, le bon compromis pour augmenter les probabilités de trouver des planètes habitables autour. Et donc là où on peut discuter éventuellement, donc leur résultat, c'est que ces étoiles boucles d'or seraient légèrement plus froides que le Soleil. Et eux disent que les étoiles intermédiaires de type K, donc à peu près 1000 degrés de moins que le Soleil, seraient l'optimum. Alors ça peut se débattre dans le sens où effectivement ce sont quand même des étoiles beaucoup plus, déjà plus magnétiquement actives que le Soleil. D'un point de vue statistique, effectivement, il y a plus de ces étoiles K que des étoiles de type solaire, mais elles sont 30 fois plus actives magnétiquement, elles ont un flux en rayons X 30 fois plus fort, elles ont des éruptions magnétiques plus fréquentes, un vent stellaire plus massif, et donc l'impact sur l'atmosphère de la planète pourrait être plus dévastateur. C'est là où je ne suis pas forcément convaincue. En bref, maintenant, l'une des séries de science-fiction les plus attendues de l'année sera diffusée à partir de la semaine prochaine. Oui, Star Trek Picard. Le Britannique Patrick Stewart reprend son iconique rôle du commandant Picard, un personnage qu'il a incarné dans la série Star Trek The Next Generation entre 1987 et 1994. Ce nouvel opus sera lancé aux États-Unis le 23 janvier sur CBS et le 24 sur Amazon Prime Video. Le pitch, l'amiral Jean-Luc Picard reprend ses fonctions alors qu'il était paisiblement en retraite dans son vignoble en France. Alors, ce nouvel opus est réalisé par Alex Klusman et le scénariste Michel Chabon, prix Pulitzer. Michel plutôt. C'est les vignobles français. C'est ça. La diffusion en tout cas de ces 10 épisodes n'a pas commencé que déjà une saison 2 vient d'être signée. Pierre Lagrange, un mot, vous avez vu la bande-annonce j'imagine? Oui, j'avais vu surtout une interview de l'acteur principal. Et moi, j'avais suivi les fans-séries, donc, mais il y a eu des bis-bis entre la production et les fans-séries, parce que parfois, elles sont mieux conçues que les séries officielles. Les fans connaissent tout. Bien sûr. Star Trek. On l'attend avec assez d'impatience, parce que, évidemment, bon, non seulement Patrick Stewart, évidemment, incontournable, et puis The Next Generation est certainement l'une des meilleures séries de Star Trek, donc avec un peu de chance, ce sera mieux que la dernière en date, qui n'était pas extraordinaire. Bon, bref, une autre série culte, Natasha, va peut-être avoir droit à son remake. Ouais, je laisse les fans deviner de quoi il s'agit. La suspense. Ah. Ah oui. Eh oui, ça y est, je l'aime. Pierre Lagrange ? Non, je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne le vois pas. Hein. C'est Code Quantum, voyons. Ah oui, bien sûr. Eh oui. Voilà, vous l'avez tous en tête pour le week-end. 30 ans plus tard, la NBC dit vouloir adapter la série pour sa plateforme de streaming Peacock. Elle aimerait remettre en scène le docteur Samuel Beckett et son ami hologramme. Alors problème, les deux acteurs principaux ne sont pas disponibles. Scott Bakula et Dean Stockwell, qui est bien âgé. Dean Stockwell qui était dans Battlestar Galactica, qui jouait Brother Cavill. Mais en tout cas, le projet est toujours en discussion dans la chaîne. J'ai essayé là pour le coup de revoir la saison 1 de Code Quantum, c'est pas fastoche, un petit peu vieilli. Autre événement science-fiction très attendu, Natacha, notamment dans le bureau de la méthode scientifique, la deuxième partie, la suite en tout cas de Edge of Tomorrow. Ouais, le projet n'est pas tombé dans l'oubli, même si cela fait 6 ans que le réalisateur Doug Liman est censé réaliser cette suite avec toujours au casting Tom Cruise et Emily Blunt. Alors ce ne sera pas pour tout de suite, le scénario est toujours en cours d'écriture et surtout, il faut attendre la fin des tournages de Tom Cruise, déjà engagé pour tourner le 8e Mission Impossible. Et enfin, pour l'anecdote, 10 ans plus tard, Leonardo DiCaprio affirme n'avoir toujours rien compris à la fin d'Inception. C'est ce qu'il a confié lors d'une interview croisée avec Brad Pitt sur le podcast de Marc Maron. Pour sa défense, il y a un millier de théories et de débats sur la fin du film de Christopher Nolan. Et lors de cette interview, Brad Pitt a aussi avoué qu'il ne comprenait pas du tout des scènes de son dernier film de Ad Astra. On comprend bien la fin de la guerre des mondes, je vous rassure. Et on termine, comme chaque vendredi, par la rubrique de science improbable. Et cette semaine, Natacha, une étude publiée dans le journal Forensic Science explique comment les chats mangent des cadavres humains. Gaston, tu n'écoutes pas, tu coupes la radio. Le centre médico-légal de l'université Colorado Mesa aux États-Unis est spécialisé dans l'étude de la décomposition des corps. Alors pour cette expérience, des cadavres ont été laissés à l'extérieur et nus. Les chercheurs ont donc pu observer précisément pendant plusieurs semaines le festin de deux chats sauvages. L'étude nous apprend donc que les chats préfèrent manger les tissus mous et les couches de graisse, les zones tendres du bras, de la poitrine et du ventre par exemple. Et lorsque les corps commencent à être dans un état de décomposition trop avancé, les chats s'en désintéressent. Voilà, donc pour les chercheurs, il n'y a pas de doute, vos chats n'hésiteront pas à vous manger. Voilà, Gaston, tu peux rallumer l'antenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve dès lundi pour un prochain Journal des Sciences. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, vous aurez peut-être reconnu la bande-son de La Guerre des Mondes, la version de 1953, dont on reparlera tout à l'heure, puisque aujourd'hui, si nous avons choisi de parler de La Guerre des Mondes, c'est parce que, à ma gauche, j'ai donc la BBC et une adaptation en mini-série de 3 épisodes assez fidèle au roman, dont l'action se déroule d'ailleurs à l'époque de son écriture, au tournant du 19e et du 20e siècle. Et à ma droite, la Fox et Canal+, qui livrent une première saison de 8 épisodes, très librement inspirée inspirée du roman d'Orwell qui se déroule en Europe de nos jours. Pourquoi donc, me direz-vous, deux adaptations de La Guerre des Mondes qui sortent opportunément à quelques jours d'écart? Eh bien, il n'y a pas de mystère. Le roman original est tombé dans le domaine public en décembre 2016. Le temps de lancer la production, le tournage, le montage, etc. Et hop, nous voilà fin 2019 avec donc deux adaptations concomitantes toutes fraîches. On va évidemment y revenir, mais peut-être juste un mot, Pierre Lagrange, vous avez vu les deux séries. Comme ça, un petit mot rapide pour nous mettre l'eau à la bouche, et puis on en reparlera tout à l'heure à la fin de l'émission. Moi, j'aime beaucoup les deux. J'ai une préférence pour celle de la BBC, parce que j'attendais depuis longtemps une adaptation qui soit justement, qui nous remette dans le contexte du roman d'origine. Et donc, je l'ai bien aimé. Celle de Canal et de la Fox, je suis assez bon public, donc je l'aime bien, mais il y a des petites choses qui m'ont... Il y a une fin qui est très étrange. Alors j'avoue que je ne sais pas comment ils vont tomber sur leur pied. Surtout, on ne dit rien du tout. Et puis, bon, il y a ces droïdes, là, canins, qui sont aussi étranges. Ils font penser un peu à Boston Dynamics, c'est assez... Ils sont en train d'être fabriqués, donc on devrait les voir dans les manifs dans pas longtemps. Et du coup, là, pour le coup, il y a un certain décalage par rapport aux Martiens de Wells. Les Martiens de Wells, c'est l'autre absolu. Évidemment. Alors, nous reviendrons tout à l'heure à ces adaptations, à l'une et à l'autre, un peu plus en détail, parce que, évidemment, avant de parler d'adaptation, encore faut-il évoquer le matériau d'origine, La Guerre des Mondes, sixième roman d'H.G. Wells, après La Machine à remonter le temps, L'île du docteur Moreau, L'homme invisible. Peut-être, Jean-François Merle, un mot sur H.G. Wells, sur la genèse de ce roman. Comment est-ce qu'il arrive dans l'imaginaire, dans la bibliographie de Wells, finalement? Wells déjà s'intéresse beaucoup à ce type de roman, finalement, d'anticipation. Wells est à la source de la science-fiction moderne, à tout point de vue. Il a exploré beaucoup de thèmes, et celui de l'invasion extraterrestre est un des thèmes qui lui est venu assez naturellement en réalité, hein, parce que c'est devenu grâce à lui un thème majeur de la science-fiction, mais il a bien fallu que quelqu'un le découvre, et c'est lui. Et il l'a fait avec un roman génial. Génial d'une part dans sa construction et surtout dans sa fin, dans l'idée qu'il a eue de la victoire des humains parce qu'ils étaient battus. La genèse, je ne sais pas s'il y a eu une genèse véritablement, mais c'est clair que La Guerre des Mondes en général, à l'époque et aujourd'hui aussi, c'est la peur de l'étranger, hein, c'est la peur de l'envahisseur. C'est la peur et c'est la critique à la fois, hein, Pierre Lagrange. Peut-être un mot justement sur la genèse et puis on donnera la dimension politique de ce roman qui est très très fort. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait que Wells avait fait des études de biologie et s'intéressait à l'avenir de l'évolution. Et les Martiens qu'il décrit, ces poulpes, qui n'ont plus que le cerveau en fait et des membres et tentacules, c'est l'évolution future de l'humanité qu'on imagine souvent dans les romans d'anticipation et dans certaines spéculations de biologistes à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Oui. Et puis il a écrit d'autres nouvelles, comme L'œuf de cristal, ou une nouvelle justement sur des poulpes terrestres devenus intelligents qui attaquent les hommes. Et sinon, il y a la deuxième source d'inspiration de Wells, c'est de renverser la symétrie entre nous et les colonisés, notamment l'extinction le génocide des Tasmaniens par l'Empire britannique, et de nous mettre à la place des Tasmaniens. Et c'est en ça qu'il est très actuel d'ailleurs. Absolument. Jean-François Merle, vous voulez réagir, oui. Oui, Wells était un homme très généreux, c'était un socialiste, il avait des idées progressistes très marquées. Et en même temps, c'est à la fois un optimiste, mais c'était un pessimiste aussi. Dans la machine à explorer le temps, il a une vision de l'ultime qui est glaçante. On peut peut-être en deux mots, parce que alors même si on part du principe que tout le monde a déjà vu, entendu, parlé ou lu La Guerre des Mondes, Pierre Lagrange, si on devait le résumer en quelques mots, qu'est-ce qui se passe, en tout cas dans le roman initial? Alors, ce qui est, en fait, c'est des objets tombent. On commence par observer des explosions à la surface de Mars. Alors, ce qui correspond à des observations réelles faites par les astronomes à la fin du 19e siècle. Donc, ça, c'est documenté. D'ailleurs, ici, des cas tout à fait réels de publications scientifiques. Et peu après, des grosses météorites tombent au sud de Londres, dans la région de Woking. Et où Wells habitait, d'ailleurs. Il avait une résidence dans le coin. Et en fait, ces météorites ne sont pas des météorites, ce sont des obus envoyés des cylindres qui sont remplis de martiens et qui vont construire des machines, les tripodes mythiques, emblématiques, avec lesquels ils vont décimer. Et ce qui est caractéristique de ces martiens, c'est qu'ils ne viennent pas faire la guerre, en fait. Ils viennent prendre la place et nous exterminer. Nous sommes des rats ou des cafards pour eux. Ils s'installent à notre place parce que leur planète est mourante. Et ça fait partie des théories des astronomes de l'époque. Mars était une planète considérée comme beaucoup plus ancienne, donc sur son déclin, l'atmosphère était assez faible, il y avait peu d'eau, imaginez, les astronomes avaient cartographié complètement Mars à cette époque. Il y avait le débat sur les canaux. Sur les fameux canaux. Les fameux canaux. Vous pouvez nous en dire un mot, les canaux. À partir de la fin des années 1880, un astronome italien, notamment Giovanni Schiaparelli, observe de grands, ce qu'il appelle des canali, des chenaux à la surface de Mars. Et la traduction, les erreurs de traduction aidant, on va transformer ces chenaux en canaux et débattre de leur caractère artificiel ou naturel. Et des astronomes comme Camille Flammarion en France, extrêmement célèbre, ou Percival Lowell... Qui rajoute une couche aux États-Unis, qui fait construire un observatoire à Flagstaff pour observer ces canaux, va publier plusieurs livres, des tas d'articles, et toute une polémique va nourrir les milieux de l'astronomie à cette époque-là sur l'existence d'une vie sur Mars. Flammarion va documenter, on aura des articles sur les inondations de telles régions martiennes, les plans hors sec, enfin, c'est tout juste si on n'organise pas une espèce de chaîne de solidarité avec les martiens qui sont en train de mourir. Chez Flammarion, c'est vraiment ça. Il y a comme ça tout un contexte qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui est très fort et qui fait que Wells, évidemment, choisit les martiens tout de suite. Bien sûr, et que la possibilité d'une vie sur Mars est totalement plausible. Oui, voilà. À l'époque, chez Lowell, l'astronome américain, il est persuadé qu'il y a une civilisation technologique sur Mars qui a construit. Donc, il faut se représenter, les canaux couvrent la planète et pour qu'on puisse les observer, ils sont larges comme la Manche. Donc, c'est des constructions gigantesques. Et donc, il imagine une civilisation sur le déclin qui essaye d'acheminer l'eau qui reste au pôle vers l'équateur et qui a donc construit ces réseaux de canaux. Alors, ils seront ensuite balayés par les astronomes, mais jusque dans les années 60. Jusqu'au passage de Mariner. Voilà, jusqu'à Mariner, il y aura encore des astronomes pour défendre l'existence qu'il y a au moins ces structures sur Mars. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a évidemment donc ce contexte d'astronomie et de découverte scientifique qui va inspirer Wells, et puis vous le disiez tout à l'heure, Pierre Lagrange, il y a aussi le contexte politique, parce que finalement, est-ce qu'on peut dire, avant de citer justement Wells, peut-être, est-ce qu'on peut dire, Jean-François Merle, que la littérature de Wells, mais La Guerre des Mondes, comme La Machine à remonter le temps que vous évoquiez, comme L'île du docteur Moreau, sont des romans politiques? Les romans avec une thèse politique, peut-être? Les premiers hommes dans la Lune, oui, indubitablement, puisqu'il décrit des sociétés. Les sélénites. Les autres, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. On peut les lire comme des purs romans d'aventure, sauf peut-être donc les premiers hommes dans la Lune. Mais je crois que Pierre pourrait en dire plus, mais moi, je pense pas particulièrement. Dans tous ces romans, il y a une dimension scientifique, il y a un débat sur le mode de société. Donc, oui. Je pense que Wells, vous l'avez dit, était socialiste. Donc, il y a quand même un ancrage très fort, à la fois sur la science de son époque, sur le futur de notre civilisation. Et que ce soit L'île du docteur Moreau ou La Machine à voyager dans le temps, il y a quand même une vision sur l'évolution de la civilisation et sur la manière dont on est un peu des apprentis sorciers ou autres. Il écrit à propos dans La Guerre des Mondes, avant de les juger trop sévèrement, il parle des martiens, il faut nous remettre en mémoire quelles entières et barbares destructions furent accomplies par notre propre race, non seulement sur des espèces animales comme le bison et le dodo, mais sur les races humaines inférieures. Les Tasmaniens, en dépit de leur conformation humaine, furent en l'espace de 50 ans entièrement balayés du monde dans une guerre d'extermination engagée par les immigrants européens. Sommes-nous de tels apôtres de miséricorde que nous puissions nous plaindre de ce que les martiens aient fait la guerre dans ce même esprit? C'est ça. Oui. Voilà, oui, c'est exactement ça. Là, il y a vraiment une prise de position très claire qu'on retrouve, alors qui était parfaitement transcrite dans la série de la BBC. Il y a ce passage-là, il est mis en scène. Et donc on voit vraiment qu'il y a une espèce de symétrisation très forte entre ce que nous avons fait subir aux autres peuples et ce que les martiens nous font subir. C'est pour ça qu'il n'a pas de jugement moral à la limite, puisqu'il dit « nous, on a fait ça au nom de la marche de la civilisation ». avec plein de bonnes intentions. On a supprimé ces sauvages. Alors aujourd'hui, évidemment, comme on se retrouve de plus en plus à la place des sauvages, on se dit que ce soit avec Wells ou dans la civilisation actuelle, on commence à réévaluer cette manière dont on a construit la civilisation occidentale. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que Wells fait partie de ceux qui a vraiment mis ce débat au cœur de la littérature de science-fiction, puisque c'est devenu un thème majeur par la suite. Parfait. Jean-François Merle ? Oui, absolument. Je absolument ce qui vient d'être dit. Ce qui est intéressant, c'est que il existe aussi, il y a une tradition littéraire à la fin du 19e siècle qui est celle du roman d'invasion. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, chez Wells, c'est une invasion martienne, mais en fait, cette thématique de l'invasion qui découle du colonialisme, ça donne lieu à toute une littérature qui est un genre, en fait, assez populaire. Oui, en Angleterre, mais en France aussi. Il y a un écrivain populaire qui s'appelle le Capitaine Danrit, qui a écrit un livre, je ne me souviens pas, c'est pas le Péril jaune, mais enfin bref, il y a... Comment ? Il y a l'invasion noire. L'invasion noire, et oui, c'est pas il a fait aussi. Non, c'est pas Wells, non, ouais. C'est Danrit. Oui, non, mais c'est même un colonialiste affirmé. Oui, oui, mais c'est un colonialiste affirmé, mais ça fait rien. Enfin, c'est ce thème-là, exactement. Donc oui, on y est en plein. On y est en plein à la fin du 19e, au tournant du siècle. C'est un colonialisme triomphant, mais en même temps qui commence à être honteux, ou du moins qui va commencer à le devenir. Il y a déjà des voix qui s'élèvent pour condamner le principe même du colonialisme. Alors qu'auparavant, on apportait la civilisation à des sauvages. Sur la nature plus stricto sensu littéraire du roman de Wells, que peut-on dire ? On peut dire quelque chose d'important, parce que ça va avoir son importance à nouveau dans les différentes adaptations, mais c'est que chez Wells, dans La Guerre des Mondes, c'est une histoire qui est racontée par un narrateur omniscient qui est anonyme. Omniscient peut-être pas, mais en tout cas un témoin. Hein, c'est le narrateur et il est témoin de ce qui se passe. Et c'est pas à la première personne. Comment ? À la première personne. À la première personne, oui. En plus, il cherche sa famille, enfin bref, quoi. Il a des aventures, mais surtout, c'est le témoin. Il est témoin de tout ce qui se passe autour de lui, et il nous le rapporte. Et il est survivant, hein, donc ce qui lui permet justement de nous le raconter. Pierre Lagrange ? Ce qui me fascine dans le roman, c'est le fait qu'il est resté très actuel, parce que c'est quasiment un compte-rendu journalistique, en fait. Il n'y a pas de fioritures. C'est vrai. Il fait pas du Flammarion ou même du Jules Verne, je dirais. Il n'y a pas ce style un peu empoulé. Et il est très direct. Et puis, il y a un côté très réaliste. Par exemple, le narrateur n'assiste pas à l'arrivée des Martiens. Il va se transporter sur les lieux, mais la première météorite, il la voit souvent dans les récits de science-fiction. Le narrateur, enfin le héros, c'est celui qui voit tout arriver. Et il révèle au monde quasiment ce qui se passe. Là, il y a un côté justement hyper réaliste, parce que il vit les événements à travers la presse. Et il y a tout ce rapport sur la manière dont le premier cylindre tombe dans les sablières d'Orcel au-dessus de Woking, et dont les gens se transportent. Mais la nouvelle, en fait, arrive de manière chaotique à Londres. Qui n'y croit pas, le narrateur, après avoir le premier massacre, il croise encore des gens à qui il parle des Martiens, et les gens se moquent de lui, parce que Men from Mars, à l'époque, c'est une expression qui est populaire, mais qui est ridicule. Et donc, il restitue bien tout le contexte de l'époque et la manière dont ça fonctionnait vraiment, dont les médias prenaient l'information, la rapportaient, et dont on aurait pu imaginer que ça se passe, en fait, de manière très réaliste. Quelle est la réception de ce roman à sa sortie ? Est-ce qu'il rencontre du succès tout de suite ? Il est traduit assez rapidement, puisqu'il est traduit dès 1900 au Mercure de France. Mercure, oui. Dès 1900, et le Mercure de France, c'est la maison littéraire la plus importante de l'époque. Hein. Donc ça veut dire que Wells a été pris comme un auteur, j'allais dire, prestigieux, et non pas un auteur de genre, ou un auteur pour la jeunesse, comme parfois on le cantonne. Aujourd'hui, mais ce n'était vraiment pas le cas. Non, c'était pas le cas. Il est sorti dans la collection de littérature du Mercure de France. Qui ferait pas lire de rage à un certain nombre d'éditeurs de science-fiction que je connais qui écoutent l'émission aujourd'hui. Non, mais c'est intéressant de savoir que la science-fiction est un genre tout à fait noble au moment de son émergence. Alors ça ne s'appelle pas science-fiction encore. Ça n'existe pas. Mais c'est le merveilleux scientifique. C'est le merveilleux scientifique. C'est ça, oui. Mais effectivement, il paraît dans Pearson's. Donc, en feuilleton, oui. Voilà, en feuilleton. Et alors quand on compare les deux, il y a plein de différences en fait, parce qu'il a remanié son texte, il a enlevé pas mal de passages. Alors, moi, ça m'intrigue beaucoup parce que ces passages sont assez intéressants sur la description des Martiens, justement tout un tas de considérations dans plusieurs parties du roman. Il rajoute aussi des passages, parce que par exemple dans Pearson, quand ça paraît, il y a un illustrateur qui s'appelle Warwick Goebel. Oui. Justement, il faudra en parler par rapport à Alvin Correa. Warwick Goebel donc est chargé de représenter les Martiens, et Wells est très déçu par ces représentations qu'il trouve extrêmement statiques, très rigides, et il rajoute une pique dans le roman pour assassiner son illustrateur. Et dans l'édition, la première édition en 1898 chez Heinemann, il n'y a aucune illustration. Elles sont reprises par la suite. Et là, justement, ça nous amène à Alvin Correa et à deux illustrateurs qui ont rendu autrement ces Martiens, et je pense de façon beaucoup plus fidèle pour le coup. Et la pique dans le roman à propos de l'illustrateur, quelle est-elle? C'est parce qu'en fait, comme il trouve que ces Martiens étaient trop rigides, ils étaient ces espèces de tripodes, donc ils n'avaient pas du tout l'aisance qui est que Wells leur attribue dans le roman, et donc il y a une espèce de rupture entre l'iconographie et le roman, et il rajoute un petit paragraphe vers la fin du roman où il raconte, en fait, il est très habile, il dit à l'époque des faits, un magazine a décrit les événements, il fait allusion à sa propre publication, feuilleton. Et c'était illustré par un illustrateur qui n'avait jamais, sans doute jamais vu les Martiens, ce qui est pour le coup est vrai, et il se moque un peu de Warwick Goebel et de la manière dont il restitue les Martiens. On peut se demander s'il a lu le roman. Warwick Goebel, effectivement, oui, c'est la question. Alors, récemment, il a été réédité par Dover aux États-Unis dans une très très belle édition reliée avec les gravures de Pearson d'époque. Alors évidemment, pour nous, elles ont un intérêt historique, elles sont très belles et tout, mais c'est vrai qu'on est loin des Martiens que justement de la souplesse biomécanique que décrit Wells dans le roman. Jean-François Merle a apporté un certain nombre de photocopies avec effectivement quelques-uns des dessins de Warwick Goebel. On va essayer de vous les trouver, de vous les mettre également sur le fil Twitter de l'émission. On vient de vous mettre un lien vers justement l'édition illustrée par Alvim Correa, dont on reparlera tout à l'heure, qui est chez Omnibus. Vous avez le livre ouvert devant vous, Pierre. Alors, ça, c'est l'édition folio de référence qu'on utilise souvent. Et sinon, j'ai apporté une autre. Il y a eu tout un tas d'éditions, et ça, c'est une autre édition illustrée. Et il y en a encore une autre qui est intéressante, qui a été faite par Edgar Pierre Jacobs au début du magazine Tintin, en 46. E.P. Jacobs de Blake et Mortimer. Voilà. Blake et Mortimer, qui s'est inspiré notamment de celui-là, mais en le transformant de manière plus intéressante. Donc il y a beaucoup d'illustrateurs qui ont travaillé évidemment sur Wells. Et on va passer, alors là pour le coup, pas à l'illustration visuelle, mais à l'illustration sonore. La première est, pourrait-on dire, tonitruante. Ah bah, décidément, Jean-François Merle a tout, il a des photocopies, il a toutes les illustrations. On va vous venir faire quelques photos de tout ça. Je disais donc, la première est tonitruante, adaptation de La Guerre des Mondes, qui va constituer en quelque sorte d'ailleurs sa légende. Hein. C'est ce que l'histoire aura retenu comme un canular. Alors on discutera de ce terme de canular, mais peut-être le plus dangereux et le plus réussi de l'histoire radiophonique de l'humanité, l'adaptation du tout jeune Orson Welles. Nous sommes en 1939. Écoutez un extrait de L'attaque de la ferme. C'est en version originale, mais on essaiera de vous traduire un peu ce qui se dit si vous ne comprenez pas toutes les subtilités de cet extrait. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. Voilà, vous avez entendu le réalisme de cette interprétation avec ces blancs, ces récupérations d'antennes, la coupure nette. Peut-être un mot, Jean-François Merle, vous me disiez que vous aviez traduit ça. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui se passe exactement dans cette scène qu'on vient d'entendre de l'attaque de la ferme? Oui, c'est très fidèle au roman en réalité. Il suit vraiment la trame du roman et il suit précisément le déroulement des choses. Puisque là, il y a un reporter. On a entendu un peu plus tôt le professeur Pearson qui décrit, qui est là pour raconter ce qu'il a vu, le cylindre qui s'est ouvert, qui décrit d'ailleurs déjà une espèce belliqueuse. Et là, en fait, l'espèce belliqueuse, Pierre Lagrange, se retourne contre le reporter qui est là, qui se fait attaquer en direct. Voilà, Wells, Orson Welles. Alors, il faut. Oui, c'est ça. Du coup, on est sur les deux, Wells et Welles. Orson Welles donc choisit d'adapter le roman dans l'Amérique. Et à côté de New York où il est, et donc il fait tomber les cylindres à côté de Princeton, et il y a un astronome comme dans le roman qui intervient. Et alors le caractère, l'innovation de Orson Welles, c'est de produire ça sous forme de bulletin d'information, exactement comme la catastrophe du Hindenburg ou d'autres choses qui étaient racontées en direct à la radio à l'époque, ce qui fait que les gens qui n'ont pas vraiment pris depuis le début, ils sont dans le doute, à savoir est-ce que c'est une pièce de théâtre ou est-ce que c'est un bulletin d'information. Et là on est à Grover's Mills, qui est à côté de Princeton, où un des obus est tombé, les Martiens sont en train de sortir et commencent à exterminer tout le monde en direct. Et donc il y a tous ces blancs qui sont aussi une trouvaille d'Orson Welles pour augmenter la tension et l'attente de l'auditeur qui se demande ce qui se passe. Il y aura tout un tas de coupures au fur et à mesure de l'histoire. Enfin, je pense qu'il faut vraiment que les auditeurs l'aient pris, pas au début parce qu'autrement ils auraient entendu le générique, et qu'il soit arrêté quand même assez vite. Oui, parce qu'après, ça change. Parce que après, c'est le roman, c'est la narration. Il y a vraiment aucune ambiguïté. On est dans la fiction. Mais effectivement, quelqu'un qui aurait pu entendre cet extrait-là et éteindre sa radio, récupérer sa petite famille, prendre sa voiture et se barrer. Du coup, est-ce que on dit aujourd'hui beaucoup que la légende qui entoure cette diffusion, c'est une légende. Voilà, c'est une légende. C'est une légende. Il y a probablement eu des quelques personnes qui ont paniqué, mais en fait très très peu. C'est Orson Welles qui a entretenu sa propre légende, et il a eu bien raison. Parce que la légende veut qu'il y ait eu des millions d'Américains sur les routes, des tentatives de suicide, que ça ait provoqué des mouvements de foule. Aujourd'hui, on sait que ça n'est pas le cas, Pierre Lagrange. En fait, moi, en 2005, quand j'ai publié un livre sur ce sujet, donc je suis retourné à la presse de l'époque, c'est la presse écrite qui a construit cette histoire. C'est l'ensemble de la presse. C'est vraiment l'ensemble de la presse. Le lendemain matin, tout le monde, l'Amérique se réveille avec cette idée que l'émission a provoqué une panique sur tout le territoire. Et ça va être entretenu. Et comme à l'époque, on était dans une conception de la foule, bon, ceci dit, ça n'a pas vraiment changé, de la foule irrationnelle, stupide, les gens qui courent comme des poulets sans tête dans toutes les directions, tout le monde a cru que tout le monde était irrationnel. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, on entretient des mythes sur nous-mêmes, mais en se distanciant évidemment des autres. Et personne n'est allé vérifier. Alors, ce qui a renforcé l'histoire, c'est que 2 ans après, un groupe de psychosociologues de Princeton ont fait une étude, et à partir de 135 interviews, on conclut que oui, il y avait sur les 6 millions d'auditeurs, 1 million qui avaient paniqué, ce qui était quand même assez colossal. Et donc là, pour le coup, c'était validé par des chercheurs scientifiques, et ça ne s'est jamais arrêté. Et comme tous ceux qui ont parlé de la panique ensuite ne sont jamais remontés aux sources d'origine pour les remettre en question, mais ont toujours recopié la dernière source qu'ils avaient sous la main, ça n'a fait qu'enfler au fil du temps. Et dans le livre que j'avais écrit, j'avais pris justement toutes ces auteurs, notamment rationalistes, qui spéculaient sur la crédulité populaire et qui en fait étaient les premiers victimes de leur irrationalisme, parce que ils rajoutaient des morts au fur et à mesure. Dans les chroniques de presse du lendemain, il n'y a pas de victimes. Il y a dans le meilleur des cas, dans le pire, on trouve le récit d'une femme que son mari a trouvée au fond de la cuisine, prostrée avec la main sur un flacon de poison qu'elle était en train de s'apprêter à avaler. Bon, alors là, déjà, outre les stéréotypes sexistes, mais bon, à l'époque, ça a choqué personne. Et par la suite, je retrouve cette histoire dans tout un tas d'autres récits qui seront publiés dans les années 50-60, on nous raconte qu'en fait, elle s'est suicidée. et des tas d'autres avec. Les gens se sont défenestrés. Des rationalistes nous racontent que, comme Evry Schatzmann, qui était longtemps le pilier, le directeur, le président de l'Union rationaliste en France, nous raconte que les gens ne pouvaient pas supporter cette annonce de l'invasion martienne et se jetaient par les fenêtres. Bon, dans les faits, les gens ont écouté ça tranquillement comme n'importe quelle pièce radiophonique. Alors, il est possible qu'il y ait des gens qui étaient... Il y a eu un moment de doute, mais il suffisait de prendre le programme dans le journal. Hein, donc, ça allait très vite pour la vérification. Et alors, il y a un autre point intéressant, c'est que à l'époque, justement, il y a pas mal d'auditeurs qui ont téléphoné aux autorités, ou à CBS et tout, et on a utilisé cet argument pour dire, vous voyez, les gens y ont cru, ils étaient naïfs. Non, ils ont juste vérifié l'information. C'est une démarche tout à fait rationnelle. Elle est à mettre à leur crédit, donc pas du tout à leur débit. Et ça, on en a fait un argument qui s'est retourné contre eux. Tout ça, vous le racontez merveilleusement bien dans cet ouvrage, La guerre des mondes a-t-elle eu lieu, aux éditions Robert Laffont. C'est une publication de 2005, mais qu'on se trouve encore assez facilement... peut-être comme le temps avance, un dernier mot peut-être pour conclure sur cette adaptation d'Orson Welles, ou est-ce qu'on passe à la suivante, est-ce qu'on passe à Byron Haskin? Non, mais ce que je voudrais juste souligner, que vous avez souligné effectivement déjà, c'est le côté c'est Pierre justement qui le signalait, c'est le côté flash d'info de la trame de l'émission, mais qui est lui-même le reflet du livre. Et là, on voit la grande différence avec la littérature populaire française, la tradition anglo-saxonne d'avoir une écriture beaucoup plus directe, hein, qui est issue du... Enfin bon, ça c'est l'histoire du roman populaire qui nous le dit. Mais effectivement, les anglo-saxons écrivent de façon beaucoup plus, ébarbé par rapport à ce que faisaient les auteurs français à l'époque. Pierre Lagrange, vous confirmez? Oui, tout à fait. Une sorte d'épure. C'est ça qui est... Welles, encore une fois, son écriture est très moderne. Il n'y a pas de fioritures. C'est du journalisme, en fait. On pourrait écrire comme ça aujourd'hui. Voilà. On pourrait écrire comme ça aujourd'hui. On peut dire ça de beaucoup de romans de Welles. Hein. Cette position de la narration omnisciente du témoin, c'est effectivement des techniques narratives qui me font penser à ce qu'a pu faire Stephen King dans des romans comme où il reconstitue des histoires comme dans Carrie à partir de courriers de presse, une sorte de reconstitution de travail journalistique. Et voilà, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était vraiment outre le côté très épuré, très journalistique, justement ce réalisme du narrateur qui nous raconte ce qu'il voit et qui nous transmet aussi toutes les rumeurs qui circulent autour de ce qui se passe. Donc ça, c'est l'aspect intéressant. C'est vrai que le roman français, c'est pas forcément de la même façon que c'est mis en scène. Il n'y a pas le même... Orson Welles, alors pour le coup, il joue sur ça et il réactualise le roman en jouant à fond sur ce côté factuel et compte-rendu de journalistique. Et c'est ça qui fait l'intérêt de la pièce radiophonique d'Orson Welles. On va passer de l'audio à l'image, puisque la deuxième adaptation très célèbre qui va d'ailleurs ancrer la guerre des mondes dans l'imaginaire collectif et qui a certainement une importance titanesque dans la fixation d'un certain imaginaire de science-fiction à l'époque de cet âge d'or du cinéma de SF dans les années 50-60, c'est l'adaptation évidemment de Byron Haskin. Écoutez la bande-annonce. This could be the beginning of the end for the human race. For what men first thought were meteors or the often ridiculed flying saucers are in reality the flaming vanguard of the invasion from Mars. Looks like they're going to come out of that gully pretty soon. We'll have to rush our defenses to be ready when they do. Guard, you need plenty of reinforcements. We'll get them. Lieutenant! Look! They slash across country like scythes, wiping out everything that's trying to get away from them. That explains why communication is cut the moment their machines begin moving. Montreal's blacked out. Nothing more has come through. Same thing that happened on the Pacific coast. Anything from them yet? No, Mr. Secretary. We've had nothing from San Francisco for over 5 hours. The nations of the world mobilize their armed might, rushing to defend the Earth against the unknown weapon of the super race from the red planet. Voilà un extrait de la bande-annonce, encore une fois en version originale. Peut-être que vous pouvez traduire rapidement ce qu'on vient d'entendre, Pierre Lagrange. C'est en 53, donc là, c'est une bande-annonce qui décrit en gros l'intrigue du roman. Et là, on est dans un contexte où le roman est réadapté avec les histoires de soucoupes volantes qui sont intervenues depuis 1947. Et le cinéma s'est tout de suite emparé de ça. Et donc là, il y a un mélange qu'évidemment ni Orson Welles ni Wells ne connaissaient. Qui est ce fait divers qui est en train d'ancrer dans l'imaginaire collectif et dans le débat public l'idée que les extraterrestres sont ici. C'est-à-dire que Wells est intéressant pour encore un autre argument, c'est-à-dire que il est l'un des premiers qui construit cette idée que les extraterrestres peuvent venir jusqu'à nous. Et donc il construit une perception tout à fait nouvelle. Avant, les extraterrestres, ils étaient loin. Dans d'autres mondes. À partir de la fin du 19e siècle et tout le 20e siècle, va se construire cette idée que non, ils sont ici parmi nous. Et les soucoupes volantes sont une nouvelle traduction de cela qui incarne ça dans la réalité quotidienne. Parce qu'il faut préciser pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu qu'effectivement dans la version d'Askin en 53, il y a plus de tripodes mais que ce sont effectivement des soucoupes volantes qui elles sont un peu réadaptées. Qui sont un peu triangulaires, ça fait référence aux soucoupes volantes, voilà. Un mot sur cette adaptation. Ce qui est intéressant dans cette adaptation, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que d'une part, et c'est ce que je disais au tout début de cette émission, c'est la preuve que une grande œuvre littéraire peut être insufflée des problématiques de son époque. Oui. Puisque... C'est très malléable en fait. Si on considère que La Guerre des mondes d'H.G. Wells est la matrice, tous les auteurs qui s'en sont emparés l'ont malaxé. Et l'ont adapté finalement en gardant l'intrigue parce qu'elle est parfaite, mais l'ont adapté à la fois aux images qu'on avait à ce moment-là et effectivement aux peurs de l'époque. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, l'invasion, finalement, ça devient une métaphore pour la guerre froide et pour l'invasion de l'ennemi de l'extérieur. Oui, il y a des images d'exode comme pendant la guerre. Et puis l'apparition aussi de ce que signalait Pierre, des ovnis. Enfin, je veux dire, on commence à en parler beaucoup à ce moment-là, etc. Donc effectivement, ils sont là, quoi. Enfin, ou du moins, ils peuvent l'être. Quand le film sort en 54 en France, on est en pleine vague, ce qu'on appelle la vague de l'automne 54, qui est une des plus grandes vagues d'observation de soucoupes volantes qui a eu lieu à l'époque de l'âge d'or. Le début, c'est 47 avec l'observation de Kenneth Arnold. En 52, il y a le survol de Washington, qui est une affaire célèbre, donc qui a ébranlé jusqu'à la Maison Blanche. Ils ont dû faire une conférence de presse, l'US Air Force à l'époque. Donc 53, il y a Byron Askin. Il y a déjà eu le jour où la Terre s'arrêta. Il y a eu déjà plusieurs films qui ont exploité le sujet. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette manière dont l'idée de Wells va être tirée jusqu'au bout avec toute cette argumentation sur le fait que cette chose peut nous arriver. Et même si, évidemment, il y a la guerre froide qui est très présente dans pas mal de films de science-fiction de l'époque, il y a toute cette logique qui est mise en place par les histoires de soucoupes volantes à l'époque, on parle pas encore d'OVNI, mais qui va complètement changer le statut des extraterrestres par rapport au débat public. Et puis ce qui est intéressant surtout, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, cette adaptation de Byron Askin, elle va... Alors, parce qu'on pourrait se dire, finalement, il y a l'adaptation d'Askin et puis il y a Spielberg 50 ans après. Or, en fait, pas du tout, parce que cette adaptation d'Askin, elle va complètement essaimer tout l'imaginaire du cinéma, de science-fiction, d'extraterrestres, d'invasion extraterrestre. C'est vraiment la pierre initiale, si vous voulez. Il y a un autre point dans la version de Byron Askin, c'est que, où là, il trahit Wells, parce que on retrouve pas de la même façon cet aspect des microbes qui viennent à bout des martiens. Il y a toute une histoire de quasi théologique sur la mission un peu de l'Amérique ou autre et qui a souvent été discutée par les commentateurs sur cette série. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on est dans toute la vague des films de science-fiction des années 50 d'invasion extraterrestre. Et même si assez peu se réclament d'être des adaptations de La Guerre des Mondes, donc jusqu'à Independence Day, tout ça, on est dans tout un filon d'invasion extraterrestre. Les seuls qui vont rompre un peu avec ça, c'est des gens comme justement Steven Spielberg, avant de revenir à la Guerre des Mondes, ancienne version. Parce que oui, on a pu dire... parce que d'ailleurs, pour avant d'entendre justement un extrait de Spielberg, et là aussi qui est très intéressant, parce qu'il va complètement... Il est une version assez fidèle, hein, quoique contemporaine, au roman, et qu'il va transformer et investir des inquiétudes de cette époque post-attentat du 11 septembre. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, le projet d'adaptation de La Guerre des Mondes, Spielberg, il l'a dans les valises depuis un certain temps. Alors, oui, apparemment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il l'ait mis en scène, c'est qu'il l'ait fait en 2005. C'est-à-dire que c'est après les attentats de New York. Là. Donc là, on est sur une... La Guerre des Mondes sert à une toute nouvelle lecture des événements. On est de la même façon que Daesh nous est apparu comme quelque chose... on est dans un film de science-fiction avec les attentats de New York. Et donc le transposer avec les Martiens, on n'est pas très loin, parce que Spielberg était plutôt dans une vision très pacifiste des extraterrestres, avec Rencontre du troisième type et E.T. Donc c'était ces films qui ont quand même rompu avec une tradition cinématographique, et le fait qu'ils reviennent en 2005 à mettre en scène La Guerre des Mondes dans sa version la plus originelle, mais en l'ancrant dans cette actualité, montre qu'il y a quand même le contexte a joué énormément pour le coup. Ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'il s'apprêtait à le faire, et puis Roland Emmerich a fait Independence Day, donc finalement ça a retardé le projet. Oui, je connaissais pas cet aspect-là. Et que effectivement du coup il relance le projet post-attentat du 11 septembre, avec effectivement plein de points qui d'un seul coup font sens en tant que relecture de l'œuvre d'H.G. Wells, et notamment quelque chose, un élément nouveau que Spielberg induit et introduit dans sa version, c'est que les Martiens viennent certes de l'espace, mais en fait ils étaient déjà là. Oh, j'ai jamais vu un truc pareil, la poudre qui frappe plusieurs fois au même endroit. Est-ce que c'est le seul endroit? Non, posez ça. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. On dirait que c'est... Vous allez tomber dedans. Reculez. Tout le monde recule, s'il vous plaît. Je vous en prie, reculez, s'il vous plaît. C'est chaud? Non. C'est glacé. Vous sentez? Oui, je sens ça. C'est quoi, le métro? Il n'y a pas de métro ici. C'est peut-être un train. Ça peut pas être une canalisation. Mais non, il n'y a rien qui passe là. Il n'y a pas de canalisation d'eau par là. En attendant, il y a quand même quelque chose qui bouge là-dessous. Je le sens. Voilà, et à partir de là, ça crie beaucoup, ça se détruit beaucoup. Peut-être commentaire libre, Pierre Lagrange, qu'est-ce qui se passe dans cette scène pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu? Donc dans cette scène, on est dans la banlieue de New York, et il y a le héros de Tom Cruise avec sa famille qui se trouve à un endroit où il y a la foudre qui est tombée plusieurs fois, et il y a comme ça une espèce de quelque chose qui surgit du sol en fait, et les tripodes surgissent du sol. Donc cette idée que quelque chose était là déjà enfoui, et que s'il y a quelque chose qui est venu de l'extérieur, c'est sans doute pour réactiver quelque chose qui est déjà là. C'est une partie assez complexe en fait, on peut l'interpréter de plein de façons, parce que quand ensuite ils vont regarder les images au ralenti, on voit quelque chose qui circule dans le faisceau qui serait le corps de l'extraterrestre. Voilà, quelque chose de genre. Mais donc on peut en faire différentes lectures, mais il y a celle qui semble dominer, c'est qu'effectivement ils avaient en gros préparé leur coup, ils étaient là, cellules dormantes. C'est les cellules dormantes, voilà, c'est les cellules dormantes d'Al-Qaïda. Donc on est dans les terroristes. Et donc oui, sur la fidélité, puis il y a aussi quelque chose que reprend Spielberg, qui avait été un peu abandonné, un peu allégé, disons, par la version d'Askin, et puis par toutes les fausses ou adaptations en demi-teinte, c'est celle de l'extermination totale. C'est-à-dire que le danger, c'est la destruction complète de l'humanité. Oui, dans beaucoup de films, on est Independence Day, bon, c'est typique, on est quand même dans une guerre où rapidement on reprend la main, et notamment l'Amérique arrive à venir à bout des extraterrestres. Avec Wells donc et Spielberg quand il reprend, on est vraiment dans l'idée que de prendre très au sérieux cette idée que les extraterrestres, ils sont capables de venir jusqu'à nous, sont totalement, extrêmement éloignés de ce que nous sommes capables de faire, et donc nous sommes totalement impuissants face à eux. Et c'est pas une guerre, c'est une extermination. C'est donc, ça le coup de génie du roman de Wells, en fait, et de la suite, c'est que les hommes sont battus. Les hommes, c'est fini, c'est fichu. Et ils ont un coup de bol monstrueux en réalité. C'est ça quoi. C'est quasiment de la providence ou du Deus ex machina sur cette fin. Mais effectivement, d'ailleurs, moi, à titre personnel, je trouve que ce qui est le meilleur de cette adaptation Spielberg, c'est cette première partie. C'est la première partie de la déroute et de la destruction complète et où on ne peut pas lutter. C'est-à-dire qu'il y a même pas la tentative d'apporter la lutte. La lutte est perdue immédiatement, et c'est un jeu de massacre. Oui, mais ça, c'est quand on se... Justement, quand la citation que vous avez lue tout à l'heure sur on imagine la réaction des Tasmaniens, des aborigènes, des peuples qui ont vu les Occidentaux débarquer, et là aussi, nous, on les a exterminés sans aucun état d'âme, et donc il y a vraiment, chez Wells et chez d'autres qui l'ont adapté, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, et dans cette situation d'impuissance totale face à un envahisseur qui tombe de nulle part et qui décime sans que notre comportement a dû paraître totalement incompréhensible à la grande majorité de l'humanité au milieu de laquelle nous avons débarqué. Donc les Martiens nous permettent de saisir un petit peu de cette espèce de tétanisation qui a saisi l'humanité que nous avons exterminée pour construire notre société. Pour conclure, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, on va boucler la boucle et revenir aux deux séries, celle de la BBC et celle de la Fox et de Canal+, donc deux séries qui sont sorties de façon concomitante mais avec des points de vue très différents, ce qui nous permet de redire à quel point cette œuvre est plastique et malléable et que c'est ce qui en fait sa puissance. Peut-être se concentrer sur la version de la BBC. En fait, la version de la BBC a la vocation, a l'envie en fait de revenir à une adaptation fidèle. D'époque. Pierre Lagrange. Oui, moi j'ai beaucoup aimé parce que bon, on est vraiment dans la... Il joue le jeu de reprendre le roman au sérieux, et la part d'adaptation qu'il y a sert à le réactualiser, mais absolument pas à le trahir. Le premier épisode, je trouvais absolument magnifique, la scène du cratère, donc avec l'endroit où l'engin est tombé, et la dimension, alors je dirais ufologique, il y a toute une inspiration qui vient des histoires d'OVNI, la manière dont ça se passe, avec un côté assez... une technologie proche de la magie, rajoute, ça se trouve pas dans le roman, mais cette sphère qui s'élève est quelque chose d'absolument magnifique et qui rappelle tout un imaginaire qui s'est développé dans la culture ufologique, mais en prenant plus au sérieux que les films de science-fiction des années 50 qui avaient dérivé par rapport à cette culture. Et donc ça, c'est là, je trouve que la réussite est magnifique totale cet aspect de la description et de la reprise du roman de Wells. Et on est sur, là aussi, de la destruction, c'est-à-dire sur une bataille perdue très vite. Et on peut rien faire, on n'y comprend rien. Ouais. C'est-à-dire que déjà, non seulement la bataille perdue, mais en plus on n'y comprend rien. C'est totalement incompréhensible. C'est-à-dire que quand on voit les gens qui sont face à cette, au début, ils croient que c'est une météorite. Il y a l'astronome royal qui débarque. Il y a les photos d'ailleurs prises. Voilà, ils font la photo, tout ça. Et quand ensuite la sphère s'élève, là on passe dans une dimension où plus rien. Ils sont même pas capables de le décrire parce que c'est totalement étranger à tout ce qu'ils ont déjà vu. Et le fait que cette sphère se délite et donne ensuite naissance au tripode, on se demande d'où ils sortent. Donc là, on est dans quelque chose où il faut faire vraiment un effort pour essayer de relier les différentes étapes. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est là où on est dans la loi de Clark. Toute technologie suffisamment évoluée est indiscernable de la magie. Et puis, pour dire un mot tout de même de la série de Canal+, là aussi, on garde cette idée d'éradication, puisque là, pour le coup, l'humanité entière est éradiquée dans la série de Canal+. On ne dévoile pas grand-chose, ça arrive dans les premiers épisodes. Et là, finalement, aujourd'hui, ce que l'on nous met devant les yeux, c'est notre capacité à nous humains de détruire finalement notre planète complètement. Je pense que Wells aujourd'hui reflète l'écocide. On peut décrire notre situation actuelle comme une guerre des mondes où, après avoir exterminé les autres peuples pour construire notre civilisation, la frontière ne passe plus entre les peuples du Sud et l'Occident, mais entre, je dirais, les pauvres en Occident et les plus riches qui veulent continuer leur marche civilisatrice, ou je sais pas comment il faut appeler ça, et qui ont décidé donc de nous expulser de la planète. On est aujourd'hui en voie d'expropriation, puisque bientôt, jusque l'air, l'eau et l'air qu'on respirera, on devra le payer, probablement. Eh bien voilà, voilà pour votre week-end. Un petit message d'espoir pour conclure cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de La Guerre des Mondes. Pierre Lagrange, on peut vous lire La Guerre des Mondes a-t-elle eu lieu? C'est aux éditions Robert Laffont. Également un article dans une revue dont vous pouvez nous dire un mot rapidement. Oui, c'est la revue Socio publiée par la MSH qui a publié un numéro sur la science et la science-fiction. Et j'ai publié un entretien avec Bertrand Meus, qui est un des pionniers de l'étude des rapports entre sous-courante et science-fiction, et un article sur justement tout le rapport à l'iconographie et la manière dont on regarde dans la science-fiction. Et puis si vous voulez lire le livre d'H.G. Wells, vous pouvez le lire dans la superbe édition illustrée par Alvim Correa, qui est publiée chez Omnibus, la société d'édition de Jean-François Merle. Encore merci à tous les deux, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, c'était Thibaut Nassim Ben à la technique. Aujourd'hui, un mot pour vous dire que la semaine prochaine, lundi, nous parlerons des maladies intestinales chroniques inflammatoires, mardi, de la constellation Starlink d'Elon Musk, mercredi, des méga incendies, jeudi, nous reviendrons sur la réforme des retraites appliquée aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs, et vendredi ce sera une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain à 16h, c'est le camarade Étienne Klein pour la conversation scientifique. Nous on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.